maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Tapez encore une fois sur cette porte. Vous prenez un pain chacun. C'est sans artifice, mon frère, que le caméléon opère. Je fais pas ma croche, poteau, ce son-là vous est offert. J'ai la plume qui me démange, plein de lits qui dérangent. À soumettre à vos oreilles, ça va être une avalanche. Y'a 4 ans sous Sarkozy, c'était pas facile. Fallait à tout prix virer le plus vite possible. Tout le monde est allé voter pour le moins pire des deux. Car c'est comme ça que fonctionne cette fausse démocratie de mes deux. Comme une lettre à la poste, le PS est passé. Profitant de 17 ans de droite, dont on avait assez bu, on s'est coltiné. Un mec dont le charisme est aussi bien caché que le talent de Caris. L'ennemi de la finance espère être à la hauteur. Son changement va aussi vite qu'une bagnole sans moteur. Sous forme de suppositoire, il administre ses réformes. Pense cacher à l'auditoire sa crédibilité en méforme. Parle-moi pas de Cahuzac, je vais finir sous Prozac. Dans le genre foutage de gueule, il a plus d'un tour dans son sac. Fait ce que je dis pas, ce que je fais, bande de vaches allées. On aurait pu croire pour lui, la note serait salée. Mais de qui se moque-t-on? C'est qu'on sont immunisés. Cette justice à deux vitesses ne fait que me désabuser. Mais de quoi se plaint-on? Crois-moi, c'était le bon temps. Quand je vois ce qu'on a pris après, on aurait dû être content. Pas la mine en Lionel sur querelle, après tout ce baratin. François a nommé petit-fils du maréchal Pétain. Catalan pro corrida, enfoiré de sioniste. Je lui ferais bien un deuxième trou de balle à l'aide d'une baliste. Que c'est bon d'être sous la gauche, j'aurais serais fier. À quoi pour remplir les poches de la classe ouvrière? On vire tellement à droite que même les ricains nous suivent plus. On est tellement censurés que les chinois non plus. D'ailleurs, faisons taire Dieudonné, c'est une priorité. Les chômeurs, les SDF ont qu'à aller crever. On peut pas tout faire en même temps, on est gentil, on se détend. Manifeste, on t'accueillera à coups de matraque dans les dents. L'état d'urgence est définitif, c'était téléphoner, pas besoin d'être intuitif pour savoir que les puissants profitent des attentats pour enfin au grand jour porter atteinte à tous nos droits fondamentaux. Sa perquise sans mandat, son putain de 49-3 balles s'en répondra. Nous empêche de nous rassembler sous couvert d'excuses à deux balles. Se pavane à l'assemblée pendant que d'autres crèvent la dalle. Bouh! Plus c'est gros, plus ça passe sans créer de malaise. Ça offre un poste de ministre à un banquier sans scrupules. Et même la Légion d'honneur au prince de la péninsule arabique. Car pour eux, un bon arabe, c'est celui qui est milliardaire et qui accepte d'acheter des armes. Business avant tout, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça taille des pipes aux Medef, jamais ils ne les sanctionnent. La loi d'El Khomri, c'est l'arnaque du siècle. Qu'elle arrête ses conneries, c'est voué à l'échec. Ils nous ont vraiment tout fait, plus qu'une année à tenir. Pour tous les voir remplacés par les mêmes empires. Marine Manu ou Sarko, choisis ton poison. Un contrat sur 5 ans pour te faire fister à foison. Je veux éveiller les consciences, ça sera toujours ça de gagner. Car c'est pas en votant FN que le peuple cessera de saigner. Yeah.